non. Radio Arc-en-Ciel, 17h, bienvenue en direct d'Orléans. Vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi avec Martin Solveig. Arc-en-ciel, 17h06 minutes bientôt avec le nouveau Martin Solveig. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi avec du son électro. C'est bon ça, Solveig, comme ça dans la voiture si vous rentrez du job. Et le coach qui arrive. trompe pas. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Hey. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Hey. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Hey. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Hey. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, hey, hey, hey, hey. Faut taper le cardio. Enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat. Abdo dips, pompe, bar. Abdo dips, pompe, bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est coach. Sport, ça fait du bien, on s'entend du job là, 17h10 avec Soprano, le coach sur l'arc-en-ciel. L'after job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Allez-y, hein, lâchez-vous sur le standard 02 38 43 48 00. Un message perso à faire passer, eh bien vous êtes libre. La semaine prochaine, il sera mon invité. C'est lundi prochain à 17h dans les studios de la radio Arc-en-Ciel. Ça sera Mathieu Cessinger, le maire d'Olivet, en exclusivité. Et là, on va pas le rater, hein, parce que c'est les municipales. Il a plein de choses à dire. On l'accueillera avec plaisir. Ne ratez pas ce beau rendez-vous lundi prochain. Mathieu Cessinger, le maire d'Olivet, dans les studios de la radio. Belle journée avec Lorna qui arrive. Et ça, c'est du très très lourd. Et c'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bienvenue sur le 96 de FM avec Black Box, les bons souvenirs 1989, Round Time. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et bientôt la soirée qui va démarrer peut-être sur les chapeaux de roue avec vous si vous êtes en voiture. Mais j'ai un message à vous faire passer. Ouais, c'est bon d'être en voiture. Et pourquoi? Bah, le résultat, il est là. Écoutez. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Si vous êtes justement dans les voitures, eh bien chantez en voiture, c'est bon pour la santé. Ouais, selon une étude récente de 2019, 54% des gens qui chantent quand ils conduisent, eh bien selon cette étude, sont heureux dans la vie. Ils nous révèlent que aussi se faire un solo au volant d'une voiture permet de garder la forme et de rester en pleine santé. Alors est-ce vrai? Êtes-vous d'accord? Appelez-moi, tiens, justement, on va en parler en direct. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Merci de nous écouter l'après-midi, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. On va passer 2-3 coups de téléphone, tiens, pour se marrer tout à l'heure. On va appeler des Barjots, des Monsieur Barjots, ouais, voir s'ils vont bien quand même. Donne-moi qui arrive et du son caliente sur Radio Arc-en-Ciel. Bandi à la famille. Hop! L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Mais maintenant c'est même boitardé, ouais, c'est le soir, Don Omar qui arrive. À l'heure prochaine à 17h20, heureux de faire avec vous la météo pour demain. Quel temps va-t-il faire? Eh bien, réponse, la météo. Demain, malheureusement, le temps sera couvert, nuageux encore, avec quelques rayons sous le sol en début de matinée. Ensuite, ça va se couvrir aux alentours de midi. Et ouais, le ciel va se couvrir noir de chez noir. 4 degrés au lever du jour. Ouais, ça caille un petit peu, hein. Hier, il faisait 8, aujourd'hui 4 degrés. Et on ne dépassera pas les 12 petits degrés. Voilà, hein. Ça va pas s'améliorer, hein, avant lundi prochain. Ouais, du bon son qui arrive avec l'artiste. Et Kachou sur la grand-ciel. L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah ouais, 96.2 FM, merci d'être nombreux là sur le live. Céline qui est là, Chacha qui est là, Nina qui est là, salut la famille, vous êtes bien en direct à la radio 96.2 FM. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit?

moi j'adore à la fin quand elle fait quand elle crie Alicia Keys en 1996 avec No One, non personne, personne. Mardi aujourd'hui, bah ouais on est bien, hein, demain c'est le jour des enfants, mercredi. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et pour rester encore en bonne santé, j'ai des bons plans bonne santé en début d'année pour vous. Il faut voir ses amis au moins deux fois par semaine. Eh ouais, les amis sont un peu la famille hein, qu'on se choisit. En plus, ils ont un côté bénéfique pour votre santé. C'est une étude de l'université d'Oxford qui le dit. On vous en dit plus justement. L'idée de cette étude était de voir l'impact que pouvait avoir l'amitié aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Et visiblement, l'amitié est très positive, car les personnes interrogées lors de cette étude qui voient leurs amis régulièrement sont en meilleure santé. Eh ouais, les chercheurs de l'université d'Oxford affirment que le nombre idéal est de deux amis par semaine à voir. Il faut voir ses amis deux fois par semaine. Eh ouais, pour que les effets soient bénéfiques pour votre santé et soient optimales. Donc maintenant, il vous reste encore quelques jours avant la fin de semaine et avant d'attaquer le week-end pour voir au moins deux amis. Et je peux vous dire, vous allez avoir la patate. Je suis sur l'autoroute, je viens de sortir de Paris direction Orléans, mais je capte pas la radio. Bah 96.2, ouais, tu as pas tard à capter là. Salut Jean-Marc, salut Fabienne. Vous êtes nombreux à nous écouter l'après-midi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Du son Caliente qui arrive sur Radio Arc-en-Ciel. Et c'est le son Latina. Eh ouais, forcément, Radio Arc-en-Ciel, bon le tard de la famille. Et Juan Magan qui arrive en direct, 17h30 minutes. Yep, à la famille. Mundo! Pitbull, El Cater, Bailando, Paul El Bondo. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Salut Georges qui est connecté, salut Marie-France aussi, vous êtes nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Isabelle qui est là aussi. Angéline, il y a du monde aujourd'hui, ça fait plaisir. La France compte 67 millions d'habitants, mais les naissances continuent de baisser. En 2019, en France, il y a eu 753 000 naissances, 6 000 de moins moins qu'en 2018 et 612 000 décès, 2000 de plus. Donc on meurt plus en France. Hein, voilà. Voilà les bonnes infos l'après-midi. 17h33 minutes avec Badoxa et Controla, un peu de Kizomba remixé par DJ Lux, le DJ portugais. C'est du bien de le recevoir sur Radio Arc-en-Ciel. Left. L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. One ticket, please. Long enough so everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. Quel bon souvenir ça, Barry White, Let the Music Player, Renaud avec vous, Francky dans la radio, le meilleur des souvenirs, avant 19h, et Donny Hines qui arrive, It's Alright, It's OK. Just do as I say, and that's enough. Don't you be afraid, baby. 1996, ça va pas vous rajeunir ça, 17h47 sur Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue à vous, un coucou à tous les chauffeurs, les bords qui sont sur les routes là, ouais ça y est, rentre du taf là. Vous voulez laisser lui un sacré job quand même, hein. Mardi aujourd'hui, on est en direct. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis la région où l'on consomme le plus d'alcool. Alors je rappelle que boire de l'alcool c'est dangereux pour la santé, mais très très dangereux. Hein. Donc c'est l'Occitanie, hein, selon des données publiées mardi par l'agence sanitaire santé publique en France. Eh bien ils arrivent en queue de classement, l'Occitanie. L'Île-de-France, la région où la proportion de gens qui boivent de l'alcool tous les jours est la plus faible. Prudence, hein, interdit de boire de l'alcool au volant bien sûr. Alors les autres régions où la consommation quotidienne est la plus importante sont la Nouvelle-Aquitaine, 12%,3%, les Hauts-de-France, 11,5%, et celles où elle est la moins élevée sont la Normandie, 7,9%, et les Pays de la Loire, 8,1%. Enfin, en Outre-mer, la consommation quotidienne est sensiblement moins importante qu'en métropole, 5,2% pour la Guyane, 5,8% pour la Réunion, 6,9% pour la Guadeloupe et 7% en Martinique. Quoi qu'on dise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et la mort la mer, la version French, ça arrive. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h et le mardi de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et un peu de soleil, ça fait du bien, version French. We'll be right back. que cuesta más que el oro. Me excita como el sudor moja tu pelo. Si te ve mi abuelo, mañana hay un duelo. Tira hasta el suelo, caramelo, y deja que tu papi te lleve al cielo. Enamórame, eso será una. Sanchez, la version French DJ Assad, à la Ramanissum, Lou, Yana, heureux d'être avec vous dans la radio. Ouais, ouais, 17h48 minutes. Salut à Stéphanie qui est connectée du côté de Saint-Jean-de-Bresse. Salut à Eduardo aussi du côté d'Olivier qui me salue. Salut Francky, belle journée à toi. Ouais, salut Eduardo. Oh, comme, c'est pas le nom du mec de Zorro ça, non? Allez, voici Lucenzo. Lucenzo, le gold hein, des radios franciels avec Morlenita. Heureux d'être avec vous, Franky dans la radio. Salut à Stéphane qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Salut Franky en bagnole avec Lucenzo, ça fait du bien. Bah ouais, un bon Lucenzo à l'ancienne. L'After Job avec Frankie, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et j'ai envie de prendre soin de vous et de vos enfants. On parle de santé publique. Hein. Les enfants qui regardent un écran le matin ont 3 fois plus de risques de développer des troubles du langage. Et ouais, selon une étude de Santé publique France qui a mené justement cette étude auprès de 250 enfants âgés de 3 à 6 ans en Ille-et-Vilaine, eh bien, ils risquent des troubles du langage. Donc, pas de console, pas de téléphone portable le matin pour les enfants de bonne heure. Voilà, c'est important la santé. Prenez soin de vous et de vos enfants. C'est vrai que quand on est rivé sur le téléphone ou sur la tablette dès le matin, eh bien, ça peut, justement, pour les enfants de 3 à 6 ans, avoir des petits soucis après sur le langage. Ouais, ouais. Et Chuck Mela Culpa, ça arrive. Luis Fonsi, et puis on aura aussi Maluma avec la Temperatura. Voilà. En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Échappe la culpa avec Demi Lovato. Ah, j'ai une bonne nouvelle qui vient de tomber là. Des fois, il y a des bonnes nouvelles au gouvernement. Hein. 500 millions d'euros vont être débloqués en 2021 pour augmenter le salaire des profs. Voilà une bonne nouvelle. Il y a encore à faire, encore. Si la température qui commence à monter à 17h55 minutes en direct sur l'arc-en-ciel. Hein. Cintura se acusa, cállate, no me hagas preguntas. Ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio, me tienes volando en el espacio. ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Y juro que esa noche que estoy bailando en mi camita se amanece junto a ti. Sí, amor, ese pelo lacio y esos dos mesitos de gimnasio. Y juro que esa noche que estoy bailando en mi camita se amanece junto a ti. La estoy calentando, la estoy provocando. segunda besarte, en la ropa yo quitarte, y la tercera enamorarte, mami. Sube la mano, dame de vuelta, date tu trago, que esto sí está caliente. Quédale, mami, vente, yeah. Y juro que esta noche te estoy velando en mi cama, estás amaneciendo junto a ti. Ese pelo lacio y ese abdomencito de gimnasio. Y juro que esta noche te estoy velando en mi cama, estás amaneciendo junto a ti. Du boulot, ça y est, vous êtes crevé, mais non, la température qui commence à monter tranquillement sur Radar Franciel à 18h. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis le lundi prochain, il sera mon invité dans les sous de la radio Arc-en-Ciel à 17h. Monsieur Cessinger Mathieu, maire d'Olivet, sera dans les sous de la radio Arc-en-Ciel en exclusivité. C'est la deuxième fois qu'il vient et ça fait vraiment, vraiment plaisir de le recevoir. Ne ratez pas ce bon rendez-vous lundi prochain, 17h en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Le maire d'Olivet sera dans les sous de la radio et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est la deuxième fois qu'il vient. Michael, Steven et Camaleon, et ça on adore. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo, vem me amar. Contigo quero ficar, sentir teu corpo no meu. Contigo quero vibrar, por isso bem que eu sou teu. Faz-me sonhar e acreditar. Adoro cuando me tocas dulce acariciar. No me imagino un momento lejos de tu amor. Llevo este fuego por dentro, me quemo yo. Contigo quiero picar, sentir tu cuerpo no mío. Contigo quiero vibrar, por eso ve que soy tuyo. Super frangin, Michael et Steven Camaleon, ça fait du bien de vous retrouver, 18h04 en direct sur l'Arc-en-Ciel. Le thé vert serait bon pour la santé, ça on le sait, mais ouais, apparemment ça fait vivre plus longtemps. Eh ouais, on vous en parle. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Le thé vert ferait vivre plus longtemps. Selon une étude, les buveurs de thé vert seraient en meilleure santé et vivraient plus longtemps que les autres, publiés dans une revue spécialisée européenne. Cette nouvelle étude, menée par des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences médicales, vient d'affirmer que boire du thé vert au moins 3 fois par semaine, ouais, 3 thé verts par semaine, serait le secret d'une vie plus longue et plus saine et bon pour le cœur. Donc voilà, mettez-vous au thé vert, arrêtez le café le matin, arrêtez le chocolat et un thé vert pour tout le monde. C'est vrai ça, j'avais déjà entendu parler que le thé vert était très très bon pour la santé. À faire, à confirmer. Papa London qui arrive avec Dalé DJ, ça c'est les bons souvenirs sur Radio Arc-en-Ciel. Bon début de soirée à 18h03 en direct. Qui vient avec un titre caliente, ça c'est bon souvenir. Dalé DJ sur Radio Arc-en-Ciel. Vas-y DJ, ça veut dire 18h07. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ça y est, c'est fini, vous rentrez du job, là, du boulot, de l'usine, vous avez bossé toute la soirée, toute la journée, vous êtes crevé, vous rentrez enfin dans la voiture bien installée. Et vous avez combien d'enfants? Tiens, je voulais poser la question. 1, 2, 3, maximum 4, peut-être 5, peut-être 6. Eh bien, record pour une famille britannique, la famille Redford, 44 ans, attend son 22e enfant qui arrivera au mois d'avril. C'est quand même énorme, hein. Alors, ils habitent dans une immense maison avec 10 chambres, hein. Les chiffres sur la consommation de la famille Redford donnent le tournis, hein. Cette petite tribu qui consomme 10 litres de lait et 3 boîtes de céréales par jour, hein, ouais. Sans parler des 18 kilos de linge à laver chaque jour. Il faut le dire, les deux géniteurs ne manquent pas de courage. Courage à eux qui attendent encore le petit bébé là pour le mois d'avril. Je vous ai posté une petite photo là sur mon Facebook. Allez faire un petit tour. Oui, Mandela qui arrive. Locura di amor. On vous souhaite un très très bon début de soirée. Bandera, locura di amor, un peu de soleil, ça fait du bien. Côté météo, demain, bah, ça va pas être mieux. Hein. Le temps sera gris, nuageux, quelques rayons sur le sol, mais timide. Les températures, 4 degrés au lever du jour. Et on dépassera pas les 12 petits degrés. Eh ouais, ça se passe comme ça. Mon poteau, Willy William, qui arrive. Te quiero. Salut Séverine qui nous écoute dans la voiture, ça me fait plaisir. Et ouais, on a là la famille. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Aussi courage à tous ceux qui subissent les grèves en ce moment, parce que ça perdure et ça arrange pas tout le monde. Hein. Mais bon, après il y a peut-être des solutions, il faut trouver une solution. Direction l'Hérault à Montpellier, où c'était la semaine dernière, il y a juste une semaine, je viens de voir l'article, hein, je l'avais déjà lu vite fait. Il y a un grand supermarché dans l'Hérault à Montpellier qui a affiché sur les réseaux sociaux des écrans plats à 30 euros. Alors en rayon et donc sur le réseau Facebook, ça a été affiché. C'est une erreur, bien sûr, l'écran plat était à 430. Alors je sais pas qui est le responsable du rayon télévision là-haut du côté de Montpellier, mais il a dû se faire bien engueuler parce que les gens se sont rués dans ce supermarché et n'ont pas voulu sortir du magasin. Ils voulaient leur écran plat à 30 euros, bah ouais, hein, publicité. Donc les gens sont partis là-haut par centaines, submergés. Le magasin a été obligé d'appeler les forces de l'ordre parce qu'ils voulaient pas vendre les écrans à 30 euros, hein, sinon c'était de la perte au lieu de 430 euros. Du coup, la police est intervenue pour évacuer le supermarché du côté de Montpellier. Voilà, à mon avis, le responsable, il doit péter dans le magasin cette fois-ci. Hein. Millionnaire, ça arrive. Voici Soprano sur la console. On vous souhaite une très très bon début de soirée. Je veux être riche de ton sourire, de ta volonté.

y te crees muy sabia. Pero vas a caer, te lo digo mujer. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido mantenerte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Oh, oh, oh. No me puedo contener. N-I-C-K. Niki, niki, niki, ya. Anyway, la industria. Hola, After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Falar en portugués, aprender a hablar francés. A tus pies, yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. C'est un beso. On va être avec vous, la météo pour demain. Quel temps va-t-il faire? Eh bien voilà la réponse. La météo. Demain, si vous prenez la route, eh bien le ciel sera couvert malheureusement. Quelques petits rayons de sol, des rayons de soleil, apparaîtront dans cette matinée. Et aux alentours de midi, ça va se couvrir. Les températures, 4 petits degrés au lever du jour. Ça caille un petit peu le matin quand même. Hein. Et on ne dépassera pas les 12 degrés. Salut à vous qui venez d'arriver. Là, vous êtes peut-être en voiture, ça y est, vous grimpez. Vous rentrez, marre du boulot, marre de bosser. Ben voilà, tranquille. Hein. Après, c'est vrai, toutes les grèves en ce moment, on galère un petit peu quand même. Certaines personnes qui prennent justement le train là pour Paris, les galères continuent. Mais bon, courage, allez, courage, on est là pour vous donner du soleil avec Rodrigo Hayes qui arrive d'un mai, si tout est vaste. Rodrigo Hayes, esto es un nuevo sonido. Dime si te vas. Dímelo por qué hicimos para dejar morir nuestro amor. No sé qué pasó. Soy culpable de no haber sido más fuerte para los dos. Lo siento, lo siento. Lejos de tu mirada y de tu corazón, de tu corazón, me siento perdido frente a esta situación. De tus besos, los recuerdos me tormentan. Y si tienes otro amor, amor, me muero de dolor. Quisiera volver atrás y empezar de nuevo. Empezar de cero. Y de este sueño quiero salir. Quiero comprender que es mejor. Que eu diga que te deixo. h 30 sera la rancelle avec Rodrigo Hayes. Dis-moi si t'es vas, dis-moi si tu t'en vas. Non, pas tout de suite encore. Je suis là jusqu'à 19h. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah, et là vous êtes en voiture, vous dites mon portable il a plus de batterie, vous avez plus de chargeur. Alors des fois on achète le petit chargeur de secours, mais bon, qui charge rien du tout, hein, quasiment, ça c'est clair. Eh bien justement, des chercheurs australiens viennent de déposer un brevet pour une batterie qui tiendrait bien plus longtemps que toutes les autres. Elle permettrait à un smartphone de tenir 5 jours, hein, et voire plus, sans être rechargé. Fini l'angoisse de se retrouver tous les jours avec son téléphone à plat, hein, justement en Australie. Les chercheurs qui viennent de mettre en place justement cette batterie au lithium et au soufre, bien plus efficace que celle qui équipe actuellement la plupart des téléphones portables. Celle-ci permettrait d'offrir justement à votre smartphone 5 jours d'autonomie, et même pour les voitures, hein, 1000 km avec une voiture électrique. Voilà les chercheurs australiens, et ben bravo. Il y a pas que des fous en Australie, il y a des bons chercheurs aussi. Voilà, en tout cas une grosse pensée à tous nos amis australiens qui nous écoutent, peut-être sur internet là-haut. Ça y est, il a plu, donc ça a attisé un peu les flammes, heureusement d'ailleurs. Maluma qui arrive avec Felicit Lost Four qui arrive, et puis on aura CNCO avec Mama Mita sur l'avant-ciel. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas

mi-chemin entre la vie et la mort. Et dans leurs yeux mi-clos, du soleil brille encore. Une île de lumière, un symbole s'est posé sur la mer. Un vent de liberté, trop loin pour les emporter. Pour oublier ces rivages brûlants, un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu plus libre qu'avant, un peu plus près des étoiles. Chico and the Gypsy, Chico and the Gypsy Family qui reprennent Plus près des étoiles de Gold. Ah, puis je regarde une info là, je regardais, ouais, il y a 86 aujourd'hui, Daniel Balavoine nous quittait. Mais ouais, avec Thierry Sabine, il se rendait sur le Paris-Dakar à une étape au Mali. C'était la 14e étape, c'était le 14 janvier 1986, un petit clin d'œil aujourd'hui à Daniel Balavoine. Siquiera un momento, no quiero perder el tiempo. Sabes que te quiero a morir, que no soy de espavientos y que me gusta el lento. Ay, llévame despacio, que no hay prisa, que dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ay, sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento, dame lento así con todo sentimiento, ven camenina, no me dejes lento, cierra los ojos. Que va a salir el sol. No me sueltes. La música se adueña de mí. Yo me pierdo en tu cuerpo. Tú me quemas con tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento. Que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, que dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Bailame lento así con tu que va a salir el sol. Los dos en un solo cuerpo, bailando lento. Baila conmigo. Aquí son más. Lento, bailame lento así con todo sentimiento. Ven camenina, no. Jusqu'à 19h, le meilleur des souvenirs qui arrive. Daniel Santa Cruz, Lento. Je vous le disais tout à l'heure, hein, aujourd'hui, le 14 janvier en 1986, nous quittait Daniel Balavoine, ouais, au Paris-Dakar. Une grande pensée pour lui. Puis on voulait lui faire un petit clin d'œil avec Je ne suis pas un héros. Voici Daniel Balavoine en hommage.

caliento más, mamá, te caliento más. Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer, a mí tengo una inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Nicky Jam, on adore sur l'arc-en-ciel avec Elle Monte. N'oubliez pas mon invité lundi prochain, on vous en parle tout de suite. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Il sera dans les studios de la radio, c'est lundi prochain à 17h, le maire d'Olivet, Mathieu, c'est singé en exclusivité. Bah oui, ça fait la deuxième fois qu'il vient sur Arc-en-Ciel et ça fait vraiment plaisir de le recevoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur mon Facebook comme les envoyons en MP, en message privé, pour le maire d'Olivet, Mathieu, c'est singé. Bon début de soirée à tous, 18h53 minutes, avec du son qui arrive, Elvis Crespo, Latina. On aura Chino et Nacho et puis Claudio Capeo pour terminer cette belle émission. Dis-le-moi. Que me enamoré, no he podido olvidar tu querer. Tienes algo que controla mi cuerpo entero, me hace enloquecer. Ya lo sé, que he perdido tus caricias. Ya lo sé, por ignorancia perdí tu amor. Ya lo sé, fui el culpable y lo siento, pero vuelve por favor. Es que nunca he podido olvidarme nunca de tus besos. No se llora, no se logra. Es que nunca he podido olvidarme nunca de tu cuerpo. No se llora, no se logra. Sé despertar, cuánto quisiera tenerte. Sin ti la vida no es igual. Ya lo sé, que he perdido tus caricias. Ya lo sé, por ignorancia perdí tu amor. Ya lo sé, fui el culpable y lo siento, pero vuelve por favor. Es que nunca he podido olvidarme nunca de tus besos. No se llora, no se logra. Y es que nunca he he podido olvidarme nunca de tu cuerpo. No se logra, no se logra. Es que nunca he podido olvidarme nunca de tus besos. No se logra, no se logra. Y es que nunca he podido olvidarme nunca de tu cuerpo. No se logra, no se logra. Elvis Crespo, tout sonoris. Vous êtes avec vous, Francky au réveil. C'est là, le soir maintenant. Retrouvez-moi le lundi, 16h-18h. Et le mardi, 17h-19h. Chino and Nacho qui arrive. Et Claudio Capeo et Electric Shock avec Christophe. Ça démarre à 19h. Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal. Y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy, hay un lugar tan especial, tan especial, donde yo contigo quisiera. O si será lo cual que tu falda. Estas curvas tienen un look que a mí me atrapa. Sobre tus alas yo despego mi vuelo. Baila contigo pegadito, yo quiero que me llevas en tus pasos hasta el cielo. Ese lugar, ay, ay, ay, tan especial, ay, ay, ay, donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar. Animal, tu me provoques un sentimiento de carácter sensual. 17h57, 3 minutes. C'est Electric Shock qui démarre avec Christophe. Ne ratez pas ce beau rendez-vous lundi prochain à 17h. Il sera dans les studios de la radio française. C'est Mathieu Sessinger, le maire d'Olivet, qui va nous parler de cette belle ville et puis des municipales aussi. Donc ne ratez pas ce rendez-vous lundi 17h-18h en direct sur la française. Mathieu Sessinger, maire d'Olivet, Claudio Capeo, dis-le-moi. Et puis ça démarre dans moins de 3 minutes. Electric Shock avec Christophe, ne ratez pas ce bel événement. Rock, hard rock, du son, du vrai. Voici Claudio. Paralysé, j'ai perdu ma route. Quand tout fait mal, comment se racheter? Dis-moi la douceur, combien ça coûte? On ne comprend pas comme un étranger. Je peux plus bouger, j'ai perdu ma route. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève. Sur quel ciel pourrait-on s'aimer? Tu vois, le cœur de grand brûlé se taise. Y a-t-il un mot qui nous apaise? Et ce mot si tu le connais. Déjà rouillé, j'ai perdu ma chance. J'arrive plus vraiment à me débrouiller.